Ce matin, j'ai reçu une lettre. Et depuis, ma bite mille peut-être. Sur l'enveloppe, j'ai tout de suite reconnu sa si douce écriture. Enfin, elle s'était sûre. Il faut dire que la dernière fois où nous nous sommes rencontrés, sur les quais enfumés d'une gare bondée, alors que le train partait, je t'ai avoué la flamme qui me brûlait. Et combien je t'aimais. Mais le bruit assourdissant de cette infernale machine a couvert tes mots. Je ne sais pas ce que tu as dit. Je suis resté seul et tout dégrogui. Au grand jamais, ce qui n'avait été si. Pour savoir ce qu'elle avait dit. Ma vie pour savoir ce qu'elle avait dit. Ce matin, j'ai reçu une lettre. Je la tourne et la retourne sans cesse. Un peu plus tard, je la décacheterai. Paradis ou enfer, rompre enfin le mystère. Faut-il mieux rêver d'être aimé ou la réalité? Faut-il mieux une illusion, le poids de la vérité? Faut-il mieux? J'ai pris l'enveloppe toujours fermée et je l'ai brûlée, je l'ai vu se consumer. J'ai vu s'envoler une étrange fumée. J'ai vu s'envoler une étrange fumée. J'ai vu s'envoler une étrange fumée.